Un typhon dans les mers de Chine par Paul Bonnetin. Commandant, l'officier de quart vous fait prévenir que le baromètre a baissé de 3 mm en une heure. Le temps a bonne apparence partout, excepté au nord-est, où il y a une grande panne très noire. Bien. Dites qu'on se prépare à serrer les tentes et priez le second de venir me parler, répondit le commandant au timonier, qui l'éveillait au beau milieu d'un songe agréable. On était au 15 août, et comme sa jeune femme s'appelait Marie, il rêvait que, tout heureux de recevoir le beau meuble du Tonkin qu'il lui rapportait pour sa fête, elle l'embrassait gaiement dans leur petit salon. Une minute après, les yeux encore gros de sommeil et simplement vêtus de sa mauresque, le capitaine arrivait sur la passerelle. C'était un jeune lieutenant de vaisseau de la marine de guerre qui débutait dans la compagnie des messageries maritimes et commandait provisoirement le Malacca pour un voyage. Le temps était très beau partout, sauf dans la direction du nord. L'atmosphère extraordinairement pure laissait voir les étoiles à leur lever, et deux ou trois fois déjà, l'homme de veille au bossoir avait signalé Jupiter, Régulus ou Achernar à l'extrême horizon comme des feux blancs de navires à vapeur. Minuit venait de sonner. Les hommes de la bordée qui prenaient le quart, étendus çà et là sur le pont, dormaient déjà. Le plus complet silence régnait partout. À peine de la passerelle, entendait-on, montant par la grande manche avant qui envoie de l'air aux chaudières, le bruit sourdement monotone des pistons glissant dans les cylindres à une allure de 72 tours à la minute. La mer cependant était soulevée par une longue houle. Comme un immense marsouin, le Malacca paraissait, à chaque lame, vouloir sortir de la vague et franchir dans l'air l'intervalle séparant la crête d'une lame de la crête de la lame suivante. Puis, gracieusement, son avant plongeait au contraire, heurtant de front la muraille liquide et la séparant en deux torrents d'écume qui s'écoulaient avec une légère phosphorescence le long des flancs de sa carène. Dans ce balancement très doux, le gaillard d'avant, vu de la passerelle, disparaissait tantôt dans le noir sombre de la mer, tantôt se dessinait brusquement dans ses moindres détails sur le bleu plus clair du ciel. Du reste, calme absolu, pas une ride sur les longues lames de la houle. On n'était cependant pas sans inquiétude. La veille, à son coucher, le soleil était d'un jaune ardent, dont l'éclat d'or en fusion avait vivement frappé tout le monde. Longtemps, le côté du couchant était resté d'un violet pourpre extraordinaire, et le crépuscule, ordinairement court dans les pays chauds, où la nuit tout à coup succède au jour, semblait ne vouloir jamais finir. La mousson du sud-ouest s'était enfin brusquement interrompue. Depuis 2 heures, de légères fraîcheurs venant du nord lui avaient succédé. Portez, je vous prie, le point estimé sur la carte. Dit en arrivant sur la passerelle le commandant à l'officier de quart, qui, son binocle à la main, examinait attentivement une quatrième étoile qu'on venait encore de lui signaler comme un feu. L'officier fit le point pendant que le capitaine interrogeait l'horizon. La grande panne de brume du nord-est montait visiblement et en même temps s'étendait à droite et à gauche. Au-dessous d'elle, la mer était noire comme de l'encre et se ridait sous l'action d'une brise encore faible, mais de plus en plus sensible. « Le point est sur la carte, commandant, » vint dire l'officier en sortant du kiosque de la boussole. On était parti de Hong Kong la veille. À midi, la position du navire, en estimant la route faite depuis le point du jour précédent sans courant sensible, était par 18 degrés 2 minutes de latitude nord et 108 degrés 40 minutes de longitude ouest. Le Malacca se trouvait donc exactement à 50 milles de la côte d'Hainan et à 58 milles du banc de corail le plus rapproché du groupe si dangereux des Paracels. « Mauvais endroit pour un typhon, » répondit le capitaine à l'officier de service, « et je crois décidément que nous en tenons un, car si vous avez mis, en me faisant prévenir, l'indicateur sur l'aiguille du baromètre, celui-ci a encore baissé. » L'aiguille y était, commandant, et bien exactement. Alors notre affaire est claire, et nous allons tout de suite manœuvrer comme devant l'ennemi. Venez à 7 quarts du vent tribord amur. Relevez exactement au compas la direction actuelle de la brise, et dès qu'on aura serré les tentes, dites qu'on se prépare à établir les goélettes. L'officier fit mettre la barre et exécuter la manœuvre prescrite. L'homme du gouvernail et le timonier, surpris de ce changement inopiné dans la route, se communiquaient à voix basse leurs impressions. « C'en est un que je te dis. J'ai entendu le commandant qu'il disait à l'officier de quart. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Il y a 2 ans, c'est tout juste là que l'autre nous a pris. C'est leur nid. » Le capitaine d'armes a raconté qu'il venait toujours de Manille. Celui de Shanghai, il y a 6 ans, Marius dit que c'était là aussi. Le second arrivait à ce moment sur la passerelle. « Vous m'avez fait demander, commandant ?»« Oui. Nous allons, je crois, avoir un typhon. On a déjà l'ordre de serrer les tentes partout. Faites, je vous prie, accélérer le mouvement le plus possible. On se prépare ensuite à fermer tous les panneaux et à tout saisir sur le pont. Faites faire une ronde dans les cales et qu'on voit si rien de lourd dans le chargement ne peut bouger. Prévenez, en passant de la machine, qu'on force le plus possible. Nous avons besoin d'ici à quelque temps de toute notre vitesse. » Ces ordres donnés, le commandant traça sur la carte, à partir du point occupé par le navire, deux lignes se coupant à angle droit. L'une indiquant la direction exacte du vent qui se levait et fraîchissait lentement du nord-est, l'autre perpendiculaire à celle-ci sur la droite et orientée par conséquent vers le sud-est. Les lois qui régissent ces terribles phénomènes météorologiques qu'on appelle aux Antilles à Bourbon des cyclones et des typhons sur la côte de Chine sont maintenant exactement connues. Le commandant du Malacca pouvait avoir la certitude absolue que le centre du typhon, dans le rayon duquel son navire allait entrer, était par rapport à lui, sur la deuxième ligne tracée, c'est-à-dire au sud-ouest, mais à une distance encore inconnue. Quelle que fût cette distance, du reste, il fallait d'abord et à tout prix s'éloigner du centre. Dans tout ouragan, en effet, c'est au centre que l'extrême danger. Un grand paquebot, solide et bien construit, peut, sans craindre autre chose que des avaries plus ou moins graves, recevoir le plus violent typhon, mais c'est à condition de rester dans la circonférence du météore. Au centre, il peut toujours se perdre. Aussi les marins considèrent-ils, suivant l'expression des auteurs qui ont écrit sur la loi des tempêtes, le centre d'un ouragan comme le plus dangereux de tous les écueils, car ce n'est pas, ainsi qu'une roche ou un banc, un danger immobile qu'on peut toujours éviter, mais bien un écueil se déplaçant avec une énorme vitesse et qui vient de lui-même heurter le navire qu'une manœuvre imprudente ou maladroite laisse sur son chemin. Il faut lire, dans leur sécheresse nette et concise, les rapports des capitaines des quelques grands navires qui ont pu, grâce sans doute à d'exceptionnelles circonstances, traverser le centre d'un cyclone sans y disparaître. Rien n'est plus émouvant ni plus terrible. L'Amazon, par exemple, une frégate transport, dématée de son grand mât tout entier, sans que, dans le hurlement de la tempête, l'officier de garde sur la passerelle s'en aperçoive. L'Ougli, un voilier du Havre, reste pendant 7 heures presque couché sur le flanc et se relève rasé comme un ponton. Par quelles effrayantes angoisses ont dû passer ceux, plus nombreux hélas, qui dorment maintenant sous les longues lames bleues de la mer des Antilles ou de l'océan Indien. Heureusement, ainsi que nous l'avons dit, la marge de ces grandes perturbations de l'atmosphère est maintenant parfaitement connue. Le commandant du Malacca, en donnant à l'officier de quart l'ordre de marcher à 7 quarts du vent à toute vitesse, ne faisait qu'obéir strictement aux règles théoriques certaines qu'on a pu déduire de ces lois. Il lui restait seulement à attendre que les variations du vent vinssent lui apprendre si son navire se trouvait dans le demi-cercle cyclonique que les marins appellent maniable ou au contraire dans le demi-cercle dangereux. Pour comprendre ces expressions, on doit bien se faire une idée exacte de ce qu'est un cyclone. Qu'on suppose une masse d'air tourbillonnant, absolument analogue à cette petite trombe de poussière que nous voyons se former sur nos routes en été avant les orages, mais ayant de 50 à 300 milles de diamètre, 100 à 600 kilomètres. Lorsqu'un observateur qui se trouve au nord du tourbillon, par exemple, voit le vent venir pour lui de l'est, un autre observateur se trouvant au même moment au sud du météore ressentira évidemment une brise diamétralement opposée, c'est-à-dire venant de l'ouest. Si l'ouragan tournait sur place, il importerait fort peu que le bâtiment surpris se trouvât en un point quelconque de la circonférence du cyclone. Deux navires pénétrant en même temps, l'un dans la partie droite, l'autre dans la partie gauche du tourbillon, rencontreraient des vents diamétralement opposés comme direction, mais exactement les mêmes comme intensité, et par conséquent, pour tous deux, le danger serait mathématiquement le même. Mais comme, outre son mouvement de rotation, le cyclone se déplace rapidement tout entier dans une direction qui est toujours la même dans chaque hémisphère, on comprend qu'un diamètre tracé dans le tourbillon, suivant la ligne qu'il parcourt dans son mouvement de translation, le divise en deux demi-cercles très différents au point de vue de l'intensité du phénomène. Dans l'un de ces demi-cercles, en effet, la vitesse du vent tournant s'ajoute à la vitesse générale du météore en avant. C'est le demi-cercle dangereux. Dans l'autre, ces deux vitesses se retranchent. C'est le demi-cercle maniable. La route que le commandant du Malacca avait donnée, ignorant encore dans lequel des demi-cercles se trouvait son navire, est celle qu'on doit prendre si l'on est surpris dans le côté dangereux. Les marins agissent toujours en vertu de ce principe que rien n'arrive à qui prend les plus grandes précautions. Vers 1 heure du matin, alors que le paquebot s'était éloigné de 13 000 environ de sa position primitive, l'aspect du temps changea. Le baromètre descendait rapidement. De 758, il était tombé à 750. La grande panne de brume continuait à monter très lentement, mais elle était maintenant sillonnée en tous sens d'immenses raies de feu, et par instants, en fixant son attention, on pouvait entendre le grondement très lointain du tonnerre. Des nuages noirs, bordés de gris pâle, à contours fortement arrêtés, passaient comme des flèches au-dessus du navire, et s'accumulant, venaient former autour de l'horizon une ceinture sombre qui augmentait sans cesse de hauteur et rétrécissait rapidement la partie encore claire du ciel vers le zénith. La brise, toujours fixe au nord-est, était extrêmement inégale. À des rafales déjà lourdes succédait brusquement une accalmie absolue, effrayante, pendant laquelle on entendait distinctement gronder au loin la rafale suivante. Dans ces intervalles de calme, d'une durée de plusieurs minutes, le silence à bord n'était interrompu que par la voix des maîtres dirigeant les hommes au travail. L'équipage entier était sur le pont, on avait même, pour aller plus vite, requis l'aide du personnel de service, garçons et employés divers. Déjà, les tentes serrées de bout en bout étaient solidement amarrées. Inquiets de tous les bruits inaccoutumés qu'ils entendaient sur le pont, les passagers s'étaient élevés un à un. Arrivés au haut des échelles, ils voyaient, tous surpris, au-dessus de leur tête, le ciel que leur dérobe d'habitude les tentes et sur la partie encore étoilée duquel tranchait nettement en grosses lignes d'un noir sombre la charpente en bois des balestrons et des lamatures. Comme toujours, ils interrogeaient les matelots. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Sommes-nous près de la terre ?» À quoi les hommes répondirent qu'on était en train de manœuvrer pour un typhon. En un instant, le mot typhon fit le tour de la batterie et tout le monde fut debout. Les femmes anxieuses questionnaient ceux des passagers, et ils sont toujours nombreux, qui s'étaient déjà acquis une réputation de marins consommés. Hélas, l'avis de M. N différait totalement de l'avis de M. Y. L'un affirmait que le commandant avait peur de son ombre et se mettait le doigt dans l'œil, l'autre jurait que le typhon serait terrible et qu'on ne pourrait pas l'éviter. Naturellement, les femmes penchaient vers ce dernier avis, et leur frayeur augmentant, on résolut, pour les rassurer, disait-on, d'envoyer une députation au commandant. Les députés furent très bien reçus et rapportèrent que si l'on ne savait rien encore, il fallait toutefois n'avoir aucune crainte. Le Malacca, même dans le plus violent typhon, ne courait aucun danger. Sans M. Y, on se serait donc recouché sur cette assurance, mais M. Y tenait à son effet, et pour bien faire voir quelle confiance limitée il fallait accorder aux assertions du capitaine, il raconta immédiatement l'histoire d'un naufrage dont il faisait partie et pendant lequel le commandant répétait à grands cris qu'il n'y avait rien à craindre au moment même où la dernière embarcation du bord se brisait contre la muraille, laissant tout le monde, équipage et passagers, à la merci de la grâce de Dieu. Comment dormir après de telles histoires ? M. Y faisait son 10e voyage et s'y connaissait. Songez donc, un homme qui a fait naufrage. Il en résolut de ne pas se coucher. Seul M. N, pour ne faire aucun tort à ses connaissances nautiques, regagna sa cabine. Il n'est pas absolument sûr d'ailleurs qu'il y ait dormi toute la nuit à point fermé. Pendant ce temps, les matelots avaient exécuté les ordres reçus et le Malacca, en tenue de bal, était tout prêt, paré, comme on dit à bord, à recevoir l'ennemi. La danse commençait du reste. La brise ayant forcé beaucoup, la mer s'était faite haute et lourde. Sur la passerelle, un des officiers suivait la route au compas et les autres, groupés autour du commandant, surveillaient attentivement la direction des nuages et du vent. À 3 heures, le Malacca, dont le pont avait été jusque-là mouillé seulement par des embruns, embarquait sa première lame. Elle vint d'abord déferler sur la muraille par le travers du mât de misaine, puis brusquement se redressa. Sa crête, en retombant, dépassa la hauteur du plat-bord et vint lourdement s'abattre sur le pont. Au roulis, la masse entière se précipitait de l'autre bord. Une partie, en cascade, retombait dans la mer. Le reste, repris par le roulis suivant, revenait à son point de départ. Et ce mouvement alternatif de pendule dura longtemps. Le vent, glissant sur la surface de cette nappe d'eau en mouvement, l'émiettait en innombrables gouttes qui, de l'avant à l'arrière, enveloppaient le paquebot d'un nuage. Mais en même temps, la brise, qui n'avait pas bougé jusque-là du nord-est, sautait d'un seul coup au nord. « Allons, tout va bien !» s'écria le capitaine. « Sans s'averse des aiguilles d'une montre, nous sommes dans le demi-cercle maniable. Cargons les goélettes et laissons porter plavant arrière. » La barre fut mise lentement à bâbord, et les hommes, conduits par le second, se portèrent à la manœuvre. Elle fut longue. À mesure que le navire abattait, des mouvements de roulis désordonnés remplaçaient les violents coups de langage. La toile des goélettes, mouillée, cédant difficilement sous l'effort des cargues sur lesquelles agissaient les matelots, fouettait furieusement dans les rafales. Le bruit sec de ses coups de fouet dominait le mugissement de l'ouragan. Une des voiles fut emportée, on la vit tourbillonner dans l'ombre comme un gigantesque oiseau, puis s'abattre, saisi par la crête déferlante d'une grande vague. Jusqu'à ce que le Malacca, obéissant à l'action de son gouvernail, se fût rangé dans le lit du vent, les lames, comme une meute hurlante, assaillirent ses flancs. Les moins hautes crachaient à bord les embruns de leur sommet. Les plus puissantes bondissaient par-dessus la muraille et s'étalaient sur le pont. Par bonheur, le vaillant navire supportait aisément ses assauts redoublés. À mesure que l'on s'approchait du vent arrière, les coups de roulis devenaient plus doux et plus supportables. Et lorsqu'on fut parvenu, avec de grandes difficultés, il est vrai, à établir la misaine carrée, la situation devint tout à fait bonne. Le paquebot se trouvait dans les conditions ordinaires de tout navire, fuyant devant le temps, sous les actions combinées de sa voilure et de sa machine. Malheureusement, les lames étaient si hautes et la mer si dure qu'à chaque instant l'hélice sortait de l'eau. La machine, passant tout d'un coup de la résistance ordinaire qu'elle rencontre à faire tourner le propulseur à une résistance absolument nulle, puisque celle-ci se trouvait dans l'air, s'affolait, et les pistons, suivant subitement le mouvement désordonné des manivelles, menaçaient à tout instant de faire voler en éclats le couvercle des cylindres. Aussi, en bas comme sur le pont, tout le monde était-il à son poste de manœuvre. Le chef mécanicien avait réparti ses hommes, et l'officier mécanicien de quart, tenant à la main le registre d'arrivée de la vapeur, suivait attentivement les mouvements des pistons. Dès que l'hélice, hors de l'eau, s'affolait, il fermait le registre. La vapeur n'arrivant plus au cylindre, le danger se trouvait un peu diminué. Pendant tout le temps que dura la tempête, il fallut manœuvrer ainsi. Cependant, malgré les ébranlements violents produits à l'arrière par l'affolement de l'hélice, malgré la crainte d'une avarie toujours possible dans la machine ou dans le gouvernail, le Malacca, tenant avec la route suivie le milieu à peu près du passage entre les Paracels et la Hainam, était relativement en sécurité. Vers 6 heures, le jour se fit et l'on put mieux juger de l'état de la mer. Le bâtiment, soulevé par d'énormes masses liquides, glissait sur une pente rapidement inclinée ou bien, péniblement, traçait un large sillon dans les flancs d'une colline. Lorsqu'il atteignait le fond des vallées que formaient 2 lames successives, il semblait devoir être englouti. De loin, dans la brume, on voyait s'avancer avec un grondement sourd une longue ligne ondulée d'écume blanchâtre, se soulevant de plus en plus à mesure qu'elle approchait du bord, et bientôt de plusieurs mètres dépassant le couronnement. Sans doute la lame allait-elle, sous sa lourde masse et d'un choc terrible, écraser l'arrière tout entier. Mais avant qu'elle ait pu l'atteindre, fuyant à toute vitesse devant elle, le Malacca s'était éloigné, et furieuse, elle s'affaissait, remplacée par une autre également impuissante. Il pleuvait à torrents, une pluie chaude, aveuglante, que l'ouragan rendait horizontale et qui semblait courir parallèlement à la surface de la mer sans jamais l'atteindre. Nulle part l'horizon n'était visible. Impossible de dire où commençait le ciel et où finissait la mer. Par moments, des points plus noirs marbraient d'une tache sombre le voile épais de la brume. On rencontrait de malheureux goélands, surpris au large par la tempête et affolés, essayant de lutter contre elle. Le mugissement profond que produisait le choc des flots les uns contre les autres servait de basse et d'accompagnement au sifflement strident et aigre des rafales dans le gréement qui, comme une gigantesque harpe, vibrait avec des sonorités métalliques. Le baromètre descendant toujours, quoique moins rapidement peut-être, était à 750 mm. Jusque vers 11 heures, le temps resta le même, puis la brise, qui jusque-là venait très franche du nord, passa au nord-ouest. La mer devint plus dure, moins bien faite, comme disent les marins. Le Malacca fuit encore vent arrière, par conséquent avec la nouvelle route le cap au sud-est, ne prenait plus aussi exactement par l'arrière les lames qui avaient conservé leur direction nord primitive. De nouvelles vagues, venant du nord-ouest, heurtaient déjà les premières, un angle de 45 degrés. Dans ces deux houles se contrariant, on embarqua presque par le travers, dans des embardées inévitables, quelques lourds paquets, sans avarie cependant. Les officiers, encore tous réunis sur la passerelle, ne quittaient pas des yeux le baromètre. Plusieurs fois, les optimistes crurent le voir remonter. Il devenait extrêmement important de bien saisir son premier mouvement de hausse. La hausse barométrique est en effet le seul indice certain qu'un navire, dans la position du Malacca, puisse avoir pour reconnaître si le centre du typhon s'éloigne. Dès qu'il n'existe plus d'incertitude à cet égard, il faut s'arrêter net et laisser la tempête suivre sa route. En continuant en effet à fuir devant le vent régnant, on tournerait dans le même sens que l'ouragan et indéfiniment, et au bout d'un certain temps, il pourrait arriver qu'on passât du demi-cercle maniable dans le demi-cercle dangereux. Vers midi, le baromètre cessa de descendre. Il oscillait encore entre 727 et 734, mais les soubresauts de l'aiguille étaient moins brusques. Un peu plus tard, avec de très légers mouvements à droite et à gauche, elle se fixait vers 730. Enfin, franchement et vivement, le mercure remonta. Le capitaine jugea d'ailleurs prudent d'attendre encore une demi-heure, car il arrive quelquefois qu'une hausse légère est brusquement suivie d'une baisse prononcée et de la reprise plus violente du mauvais temps. Dès que le mouvement fut nettement accusé et que toute crainte d'erreur eut disparu, on appela l'équipage sur le pont. La manœuvre à faire, précisément inverse de celle qu'on avait exécutée dans la nuit, consistait à passer du vent arrière à la cape, mais cette fois, bâbord à mur, c'est-à-dire que le navire ayant le cap au sud-est devait décrire un demi-cercle presque complet et diriger son avant du côté du nord, puis là, autant que possible, ne plus avancer du tout. Il fallait donc de nouveau présenter à la mer le travers du bâtiment. Mais depuis la veille, les lames avaient prodigieusement grossi et à bord, chacun voyait clairement qu'on ne s'en tirerait pas aussi facilement que la première fois. Coûte que coûte, aussi bien, la manœuvre devait être exécutée. Progressivement, on diminua la machine. La barre fut mise un peu à bâbord, la misaine fut carguée, et la seule goélette restant derrière établie, heureusement, sans être emportée. Lentement, très lentement, le Malacca obéissait. Mais à peine était-il venu de deux ou trois quarts au vent, qu'une lame colossale le heurta violemment à la hanche. Du coup, les deux embarcations de l'arrière furent réduites en pièces, deux ou trois des banquettes brisées, et à travers les persiennes, plusieurs vitres du rouffle cassées. L'eau inonda le salon des premières, et les cris éperdus des femmes et des enfants purent s'entendre de la passerelle. Plusieurs passagers, fous de terreur, se précipitèrent aux échelles. Par ordre du commandant, les portes avaient été fermées à clé et personne n'eût pu venir sur le pont. Les hommes, que leur service retenait derrière, s'étaient heureusement tous solidement cramponnés, et la vague, en se retirant, n'entraînait avec elle aucune victime. Lorsque le Malacca se trouva vent de travers, une deuxième lame, un peu moins forte heureusement, couvrit le pont de bout en bout, brisant quelques jambettes du bastingage, arrachant de leurs solides écrous le tour et l'enclume des mécaniciens, et défonçant, au grand effroi des marmitons, la porte de la cuisine. Et au moment où le navire allait atteindre le cap définitif auquel il devait gouverner, une troisième lame, celle-là monstrueuse, vint le frapper à l'avant. Le paquebot, jusqu'au pied du mât de misaine, disparut sous la vague, un choc formidable ébranla toute la coque. Quand, au bout de quelques minutes qui parurent bien longues, l'eau se fut écoulée, on put juger des avaries. Le rouffle de la descente des secondes, sous la toile dont on l'avait recouvert, était aplati. Les cages à poules brisées. Tous les animaux, sauf quelques canards, morts de la mort des marins, noyés dans la grande tasse. Enfin, les mille choses qui encombrent le gaillard d'avant, quoique solidement amarrées, avaient disparu. Puis ce fut fini. Rangé à 5 quarts du vent, sous sa goélette de l'arrière et avec sa machine presque stoppée, le Malacca, roulant bord sur bord mais se relevant prestement, sembla défier, sain et sauf, quoique meurtri, la mer qui avait voulu l'engloutir. L'aspect du pont était alors indescriptible. Partout un demi-pied d'eau allant en roulis et heurtant avec des glouglous bizarres tous les obstacles de son chemin. Des cadavres de chapons de Hong Kong, de dingues de Shanghai flottaient, puis, brusquement, s'échouaient quelque part pour recommencer à flotter au coup de roulis suivant. Les grands bœufs, la langue pendante et leurs gros œils glauques tout ouverts, gisaient devant leur étable. leurs panses rebondies oscillaient au mouvement de tangage, et on les eut crus couchés, respirant encore. Les débris des embarcations brisées, des banquettes réduites en miettes heurtaient tantôt les murailles, tantôt les roufles. Des amarres ou des manœuvres, semblables à de gigantesques serpents noirs, se tordaient çà et là sur le pont. Les deux cheminées étaient blanches de sel. Enfin, car il faut à tout une note comique, on entendait le coin-coin de quelques canards échappés de leur cage, qui de l'eau jusqu'à mi-cou nageaient gravement, tout heureux, puis laissés à sec, titubaient désespérément sur les planches humides. Tout danger ayant disparu, on permit aux passagers de venir contempler le champ de bataille. Quoiqu'il fût encore bien difficile de se tenir au roulis, tout le monde monta. Dans les groupes, M. X et M. Y démontrèrent d'une façon victorieuse qu'ils avaient eu entièrement raison tous les deux. Les manœuvres faites, et que personne n'avait vues du reste, furent vivement critiquées et non moins vivement défendues. Lorsque sonna le deuxième coup du dîner, il était généralement admis qu'on avait eu deux cyclones tournant en sens inverse et que c'était miracle qu'on eût pu y échapper. Une longue relation d'un phénomène aussi extraordinaire, avec preuve à l'appui, fut envoyée aux journaux anglais de Shanghai, de Hong Kong et des Détroits. Elle était signée « Your obedient servant, a sailor ». On peut croire que M. Y en fut le rédacteur autorisé. Ce qui est certain, c'est que depuis cette époque, il a la réputation d'être le meilleur marin des côtes de Chine. À la nuit, le baromètre avait repris, à peu de choses près, son niveau moyen dans ces parages. La brise, encore fraîche, tombait cependant sensiblement. La mer était beaucoup moins grosse. Le Malacca remit la route sur le cap Varela, le point de la côte de Cochinchine, qu'on vient en général reconnaître dans la traversée de Hong Kong à Saïgon. Le ciel peu à peu se dégageait. Il fut possible, vers minuit, d'obtenir la position du navire par des observations d'étoiles. La tempête avait produit à la surface des eaux un violent courant qui avait jeté le paquebot en 24 heures de 60 milles au-dehors de la route suivie. Pour rattraper le temps perdu, la machine fut lancée à toute vitesse, et deux jours après, avec quelques heures de retard seulement, le Malacca prenait au cap Saint-Jacques le pilote de la rivière de Saïgon. Ainsi s'achève « Un typhon dans les mers de Chine » par Paul Bonnetin.